Scène 8. Marthe, puis Dufausset. Marthe fouillant sur le bureau. Une vieille lettre d'Amandine quand elle était en Italie avec son mari. Parcourant la lettre. Si vous saviez que de bibelots j'ai acheté, des caisses pleines, je sens que je fais des folies et que j'en ferai encore. Ne dites rien à mon mari, je ne dis rien non plus. Soignez bien mon serin, et si vous voulez être tout à fait adorable, achetez-moi une paire de jarretières bleues. Je vous embrasse, Amandine Landernau. Oui, ça n'a aucune importance, ça. Elle déchire la lettre et enveloppe les 6 sous dedans. Là, comme ça, enveloppé, c'est plus convenable. Dufausset entre avec un cache-nez autour du cou. Ouf! Si je m'enrhume, j'aurai de la chance. Le ténor, tiens, vous avez froid? Madame Landernau. Moi? Pas du tout. C'est Monsieur Pacarel qui a voulu précisément pour que je ne prenne pas froid. On a touché au panier. Il a dû trouver le billet. Il faut que je lui rende ses 6 sous. Monsieur? Madame? Je vous cherchais à cause de ce que j'ai reçu de vous. Mon billet? Oh, madame, vous ne vous êtes pas offensée. On ne se froisse jamais d'une galanterie. Ah, ce que j'ai fait est bien audacieux. Je n'ai point trouvé. Ah, vous n'avez... Diable, elle est cuirassée. Et croyez bien que si j'avais su... Mais quand on ne connaît pas, n'est-ce pas, je n'ai pas osé en mettre davantage. Oh, je n'avais pas besoin, le tarif et rien de plus. Le tarif? Ah, il y a un tarif? Est-ce que ce n'est pas comme ça à Bordeaux? Mon Dieu, non. Je ne comprends pas un mot de ce qu'elle dit. J'aurais besoin de me faire aux habitudes de Paris. Pas de tarif? Ce doit être bien incommode. On ne doit jamais s'entendre. Ah, si, c'est une question de sympathie. Avec le conducteur? Oh, vous m'en direz tant. Elle appelle ça un conducteur? C'est un type. C'est égal. Je suis heureux que vous ne soyez pas froissé. Moi? Pourquoi voulez-vous que je me froisse? Après tout, vous n'avez cherché qu'à m'obliger. Certainement. Je... Elle a une façon de désigner des choses. N'importe. Je n'ai pas voulu être en reste avec vous. Et à mon tour, voilà. Elle lui remet l'argent enveloppé. Un billet. Elle m'a répondu. Ah, on ne perd pas de temps à Paris. On brûle, on brûle. C'est la névrose, la fameuse névrose. Mais pourquoi m'a-t-elle mis des petits cailloux dedans? Et maintenant, je vous quitte. Ah, je garderai cela toute ma vie. Ça vous regarde. L'économie est une belle qualité. Au revoir et merci. Marthe sort.